Chaque jour la vie nous forge, nous forme, nous donne la force de ne pas renoncer, d'avancer dans cette triste et sombre réalité. Voici l'interprétation lyrique qu'incarne mes pensées. Ma vision de ce monde dément, soi-disant, nous disant dans lequel on nous ment, mais quel dénouement. On nous parle de démons, de mode, du monde de la drogue, de ces gens qui perdent le goût de vivre à cause de l'homme. Penser, parler ou écrire à des inconnus pour leur dire que leur vie est dure, mais pas ce qu'on inspire. De plus, ça m'attire pas, par contre, de décrire les abus qui tuent chaque jour de nombreux individus. M'enivre et m'a fait croire en l'avenir, m'a fait prendre conscience de certaines choses qui ne font plus rire. Arrêtez de subir, mettez-vous à agir. Tu crois que c'est pour toi que je laisse ce mot venir? Tu crois que c'est pour moi? Eh bien non, c'est pour toi. C'est l'histoire de toute une horde de gnomes qui se prennent pour des gods. Voici mon rappel à l'ordre, car la possibilité est si mince que pour moi aucun homme ne peut se permettre de donner des ordres. Ainsi, les filles des droits de l'homme nous conditionnent à l'inverse leurs attentes. Plus s'étonnent que l'automne ramène nos désordres. Certains même s'abandonnent, d'autres plongent hélas pour finir sans tôle. Au fur et à mesure que le temps passe, toujours à la même place. Lasse demander si ce monde n'est pas qu'une immonde et immense farce. Depuis l'âge de glace, grâce à ce système auquel je fais face. Quoi qu'il se passe, je retourne pas ma veste. Je reste vrai comme ça, il est plus juste. Et c'est une trace de mon passage sur terre. Conscient que ce n'est qu'éphémère. Désolé si ce texte peut pas être amer. Je voulais juste être sincère. Penser, parler ou écrire à des inconnus pour leur dire que leur vie est dure n'est pas ce qui m'inspire. De plus, ça m'attire pas, par contre, de décrire les abus qui tuent chaque jour de nombreux individus. Mon idée m'a fait croire en l'avenir, m'a fait prendre conscience de certaines choses qui ne font plus rire. Arrêtez de subir, mettez-vous à agir. Tu crois que c'est pour toi que je laisse ces mots venir? Tu crois que c'est pour moi? Eh bien non, c'est pour toi. Donne-moi une feuille, un stylo et j'écris. Peu m'importe que ce soit le jour ou la nuit. Quand l'inspiration vient taper à ma porte, mon imagination s'emporte, sort mon esprit me guide hors de ce globe. Globe qui englobe le décor qui m'entoure. Chaque jour nous donne des visions de croque-mort. Décharger les camions entiers de corps morts. Suite aux tortures, restaure l'homme, son histoire ainsi que sa culture me déplore. Un secteur déshonore le drapeau tricolore, car ses actions sont les mains de l'or. Pour celles et ceux qui vivent encore avec ce sentiment de peur de leur cœur, la rancœur d'un corps meurtri par une souffrance réelle qui elle fut ressentie, vécue mais avant tout gravée au fond d'un esprit innocent, pris sur le banc des accusés, des abusés, brisés dans un système qui ne fait qu'attiser la haine au lieu de faire qu'on l'aime. Penser, parler ou écrire à des inconnus pour leur dire que leur vie est dure n'est pas ce qui m'inspire. De plus, ça m'attire pas, par contre, de décrire les abus qui tuent chaque jour de nombreux individus. M'enivre et m'a fait croire en l'avenir, m'a fait prendre conscience de certaines choses qui ne font plus rire. Arrêtez de subir, mettez-vous à agir. Tu crois que c'est pour toi que je laisse ces mots venir? Tu crois que c'est pour moi? Eh bien non, c'est pour toi. Penser, parler ou écrire à des inconnus pour leur dire que leur vie est dure n'est pas ce qui m'inspire. De plus, ça m'attire pas, par contre, de décrire les abus qui tuent chaque jour de nombreux individus. M'enivre et m'a fait croire en l'avenir, m'a fait prendre conscience de certaines choses qui ne me font plus rire. Arrêtez de subir, mettez-vous à agir. Tu crois que c'est pour toi que je laisse ces mots venir? Tu crois que c'est pour moi? Eh bien non, c'est pour toi. On se demande des fois comment faire pour s'en sortir. On se croirait des fois même en enfer. Mais la vie m'a appris qu'au fond ce qui t'arrive t'aidera par la suite en fait à le faire. Certains vivent des choses terribles, voire même horribles. D'autres ont des vies paisibles. Comment juger sans savoir, sans connaître, sans admettre que quiconque puisse avoir une vie de merde, vivre avec, tout en ayant envie de vivre. Et maintenant de suivre ce chemin qui nous apprend justement chaque jour comment vivre et faire le vide. Celui qui nous guide, chaque jour nous délivre à travers cette vie qu'il faut avoir envie de vivre.